Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le travail du poète, c'est de rassembler le trésor éparpillé. Cette semaine, Jérôme Prieur. Je pense souvent qu'en s'intéressant à ce qui s'est passé il y a 70 ans ou il y a 2000 ans, on parle très profondément, très précisément de ce qui est important pour beaucoup de nos contemporains aujourd'hui. De l'image à l'écrit, une invitation, deuxième partie. Il s'occupe aussi de littérature, d'histoire, etc. Donc il y avait des horizons de recherche qui étaient pour moi inconnus au moment où on a contacté Jérôme Prieur. Eh bien bonjour Jérôme Prieur. Eh bien bonjour. On redit un mot de l'expérience que fut pour vous la présentation de vos travaux dans cette imposante, sans doute, École Polytechnique de Zurich. Bah oui, imposante à ceci près que ce qui m'avait beaucoup frappé à ce moment-là, c'est que il y avait deux sortes de publics et que c'était assez difficile comme exercice de s'adresser à deux sortes de publics. Il y avait les étudiants, naturellement, de l'École Polytechnique de Zurich, de l'ETH, plutôt silencieux d'ailleurs, plutôt en attente d'une parole que j'étais chargé de leur donner, un petit peu rétif au dialogue, même s'ils venaient me voir après les cours en me parlant. Je me souviens d'un étudiant ou d'une étudiante qui m'avait dit que grâce à moi, il avait ou elle avait envie de lire Proust, qui jusque-là était un nom plutôt brumeux pour lui ou pour elle. Et donc il y avait ce public très silencieux finalement, et puis il y avait un public beaucoup plus présent, enfin attentif, dont on sentait quand même les vibrations, qui était le public d'idées, du troisième âge, des retraités qui viennent là, puisque les cours sont ouverts aussi à tout un chacun, et donc ceux qui peuvent venir sont ceux qui ont du temps, et donc il se trouvait que c'était cet autre public. Donc ça faisait je dirais que pour moi au début ça a été assez difficile de trouver comment réussir à m'adresser à ces deux publics, mais finalement c'était très intéressant de faire cette réflexion, ce que j'ai voulu faire, pas faire un cours magistral, ni parler de moi en soi, ce qui n'avait aucun intérêt, mais de lancer une sorte de réflexion à voix haute sur un travail en cours, finalement, dont je montrais des étapes, mais un travail en cours, parce que ce qui nous intéresse quand on est écrivain ou cinéaste, c'est pas les choses qu'on a faites, mais c'est ce qu'on va faire, c'est l'avenir. Et de ce point de vue-là, est-ce que une telle confrontation, vous sentez aujourd'hui, vous avez pu sentir depuis qu'elle vous a nourri? Ah, j'étais très content d'avoir cette expérience, vraiment très content. J'avais un peu le trac, faut bien dire, au tout début. C'est imposant, quoi, de se retrouver là. Et puis, je savais pas très bien comment faire. Et puis, j'ai jamais eu envie d'enseigner. Et pourtant, j'aime beaucoup parler de mon travail, des questions que je me pose. Je me suis servi de ça pour raconter à des jeunes gens qui n'en entendront peut-être jamais plus parler ensuite ce que c'était qu'écrire un livre, que c'était que faire un film, ce que c'était de lire, de penser, de réfléchir, de construire, de créer. Nous allons évoquer deux de vos nouveaux opus, parce que vous bossez fort, Jérôme Prieur, un livre et un doc en deux parties, mais d'abord, je souhaiterais parler musique avec vous. Je vous rapprocherai, sans esprit de comparaison, d'un certain Claude Chabrol, qui, au sein de ses drames bourgeois, aimait distiller les notes aigrelettes d'un Pierre Janssen ou encore d'un Mathieu Chabrol, son rejeton. Et vous-même, vous mixez dans vos documentaires des musiques que j'ai souvent trouvées parfois dissonantes, tantôt arythmiques. Alors si Claude Chabrol reconnaissait avec Pierre Janssen avoir découvert un frère, peut-être n'est-il pas de même avec Marc-Olivier Dupin, qui semble-t-il signe presque tous, voire peut-être tous, toutes les partitions de vos documentaires. Mais sur votre rapport à la musique, quel est-il? Que demandez-vous? Que cherchez-vous? Qu'aimez-vous? Qu'attendez-vous? Ça a été un chemin difficile parce que j'ai été élevé dans une sorte de purisme ou de puritanisme documentaire où la musique, ça semble être un corps étranger. Et donc, j'ai mis du temps à y venir. J'ai utilisé dans beaucoup de films des pièces sonores, des musiques existantes, mais comme j'utilise des archives, des images d'archives, voilà. Et puis, à l'occasion d'un film que j'ai fait il y a, je sais pas, une dizaine d'années, au Louvre, j'ai eu la chance de filmer la restauration de la galerie d'Apollon au Louvre, et donc de raconter à travers la restauration de cette galerie, ben, la création de cette galerie, cet espace qui va de Louis XIV à Napoléon III, qui est une sorte de raccourci de l'histoire de France. Voilà. Et j'avais travaillé avec, je crois, Stravinsky ou Ravel. Enfin, je les ai malheureusement pas rencontrés. Mais voilà. Et puis, il y avait des problèmes de droit insurmontables. Et mon producteur m'a dit, non, il faut absolument faire une musique originale, que tu trouves un musicien. Voilà. Et j'avais croisé la musique de Marc-Olivier Dupin au théâtre, parce que c'est un compositeur et un grand compositeur, mais qui a aussi travaillé un peu pour Brigitte Jacques, par exemple, au théâtre. Voilà. Ben, ça s'est très bien passé. Ça s'est si bien passé que maintenant, ça devient le premier des spectateurs. C'est-à-dire un spectateur... Je travaille pas du tout avec lui comme la plupart des réalisateurs travaillent avec des compositeurs, en leur disant, là, il me faudrait 17 secondes de musique, là, il m'en faudrait une minute et demie, etc. Si je dis ça à Marc-Olivier Dupin, d'ailleurs, il en fera... qu'à sa tête, il fera tout autre chose. Et donc, j'ai compris que c'était pas le but. Et donc, je suis capable de lui montrer un film, mais, je sais pas, au bout d'une ou deux semaines de montage, c'est-à-dire quand le film, il est complètement informe, je ne le montrerai absolument à personne, sauf à ma monteuse, quoi, évidemment. Et là, il, bon, me connaissant suffisamment, il devine dans quelle direction je vais aller. Bon, on a parlé aussi beaucoup avant, et ce qui fait que on travaille en parallèle, finalement, et que ce que je fais, ce que je cherche à faire, même plutôt, l'inspire, dans le meilleur des cas, mais enfin, c'est plutôt comme ça que ça se passe, puisque ça fait 7 ou 8 films que nous faisons ensemble, ça l'inspire, et moi, ce que sa musique produit, va produire sur les images, va aussi m'inspirer, et donc il y a une sorte de perpétuel double jeu, de compagnonnage extraordinaire pour donner au film soit une distance, comme ça, que la musique, elle regarde l'image, soit lui donner, souligner l'émotion, emporter la dramatisation, la dramaturgie. Il y a cette émulation entre l'image et la musique. Est-ce que, d'une certaine manière, puisque vous avez cité Igor Stravinsky, qu'on peut rapprocher tout de même, malgré ses origines russes, d'une certaine école française à laquelle Maurice Ravel appartient pleinement, une certaine, justement, typologie d'école française dans la musique de Marc-Olivier Dupin? Certainement. Et puis c'est... Et est-ce que ça compte pour vous? Oui, ça compte. Je crois que c'est une musique qui me touche. Voilà, cette musique-là, quoi. Voilà. Debussy, Stravinsky, Ravel. Mais en même temps, il faut pas être prisonnier de, ni de référence, ni d'un type de travail sonore. Et donc, je sais que souvent, la musique de Marc-Olivier Dupin déroute les spectateurs, ou les spectateurs dits professionnels, qui voient le film pour la première fois, les producteurs, les diffuseurs, et ils sont plutôt, au lieu d'être enchantés, exaltés parce que ce que cet artiste apporte au film, et m'importe, quoi. Ce qu'ils aiment bien, c'est la musique qu'on n'entend pas, cette espèce de musique d'accompagnement, et moi, j'ai pas du tout envie qu'on n'entende pas la musique. Et c'est une partie forte d'un film, et donc je suis content qu'on l'entende et qu'elle nous dérange d'une certaine façon, qu'elle nous dérange pour qu'on voit autrement, qu'on voit mieux ce que je donne à voir à travers le montage, à travers le film, que ce soit dans ce film sur René Char que j'ai fait il y a quelques années, ou que ce soit le film que je viens de terminer d'après le concours de Harvard, enfin voilà. Dont nous parlons demain. Je crois que son plus grand souvenir, enfin, si vous l'interrogez un jour, son plus grand souvenir, c'est quand je lui ai dit, écoute, Marc-Olivier, je vais faire un film sur Vercingétorix et les Gaulois. Enfin, un film qui est devenu trois films. Et je lui ai dit, bon, quelle idée de musique tu vas me donner? Voilà. Et il était sidéré, quoi. Il se dit, comment je vais m'en tirer? Et puis finalement, en utilisant uniquement des percussions, il est arrivé à faire quelque chose d'étonnant. Étonnant. La moustache du soldat inconnu, c'est votre nouvel opus, Jérôme Prieur. Ce n'est pas un documentaire. Le documentaire, nous en parlerons demain. C'est un ouvrage, c'est un livre. Alors, Histoire vivante n'est pas une émission de promotion. C'est peut-être d'ailleurs au passage une des dernières à ne pas l'être, il faudrait vérifier. Mais l'occasion faisant le larron, nous rencontrer, c'était de fait l'occasion de pouvoir en parler. Alors je vais peut-être commencer par donner le « là » avec cet extrait de vous. Un été, j'ai dû habiter la bibliothèque qui avait été celle d'un officier de carrière. Un capitaine Crochet auquel il avait fallu amputer le bras droit, c'est-à-dire que l'intérieur de sa manche était resté à Verdun, dans ce territoire nommé 14-18, dont il n'avait pu s'échapper qu'en y laissant un membre. Je plongeais en apnée pendant des heures, persiennes closes, alors qu'il faisait si beau dehors, si tiède, à l'ombre des marronniers, en bas du cours Mirabeau. Les livres qui me happaient étaient les récits de captivité, et si possible, d'évasion, au point que je veux enfin comprendre aujourd'hui que je cherchais à m'évader à mon tour, et à m'échapper de l'objet même de ma fascination, l'angoisse et l'effroi qui m'attiraient au-delà de toute raison. J'ai choisi ce passage parce que, comme je l'ai indiqué, il me semble donner effectivement la nature de l'encre de votre encrier. Comment naît ce livre ? Ce livre, il naît il y a très longtemps. Je le raconte d'ailleurs au début du livre, je raconte que vers l'âge de 10-11 ans, je m'étais mis à vouloir écrire une histoire de la guerre de 14. Alors au début, c'était, je pense, un travail d'enfant qui recopie un livre ou des livres à la manière d'un autre livre. Et puis c'est devenu quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est devenu l'envie de raconter une vie quotidienne des poilus. Livre qui n'existait pas encore, voilà. Et puis, heureusement, ce livre que j'avais en projet a été publié. C'était fort heureusement pas le mien, et donc ça m'a déchargé de cette responsabilité. Mais j'ai essayé, à la faveur de ce livre, là, de la moustache du soldat inconnu, d'essayer de comprendre comment un jeune homme qui était enfant dans les années 60 a pu être à ce point fasciné, obsédé par la guerre de 14, sans que j'ai des raisons biographiques absolument surdéterminantes. Un grand-père l'avait faite, comme on dit, n'en parlait jamais, ou quasiment pas. L'autre s'était retrouvé occupant la Rhénanie après la guerre, en 1920, voilà. Puis de fil en aiguille, en tirant ces différents fils, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une constellation d'aïeux, d'ancêtres, de grand-père, d'oncle qui avait été marqué, de grand-mère qui avait été marqué par cette période, et que il fallait que j'essaye de creuser à mon tour cette tranchée, sachant que le point de départ, ça a été longtemps la honte de m'intéresser à cela, parce que dans les années 60, 70, même 80, s'intéresser à la guerre de 14, ça me semblait être une passion presque coupable. C'était un truc de vieux. Un truc de vieux, quoi. Frapper du ridicule des anciens combattants, frapper du ridicule des vins d'honneur, de l'hommage aux morts, des défilés, des choses comme ça. Voilà. Et puis, fort heureusement, j'ai été amené à écrire un petit livre qui s'appelle Guerre éclair, parce que ce livre, en un éclair, concentre ce qu'est pour moi la guerre, une photo qui rassemble toute la violence, l'absurdité, l'horreur de la guerre. Cette photo, j'en parle dans ce nouveau livre. C'est une photo de quelques soldats en 1915. Je dis 1915 parce que on les reconnaît à l'absence de casque. La guerre s'est faite sans casque. du côté français comme du côté allemand pendant près d'un an. Enfin, c'est quelque chose d'abominable. Je l'ai appris par vous en vous lisant. Ah oui, c'est abominable, quoi. Les Allemands plus tard que les Français, c'est abominable, quoi. Et donc, sur cette photo, on voit dans une clairière des braves troufions qui prennent un casse-croûte. Donc, tout ça est tout à fait banal, sauf que le casse-croûte est posé sur un empilement de cercueils. Et donc, cette image que j'ai vue en 64, quoi, ça m'est rentré dans la figure et je l'ai jamais oublié. Et quand l'occasion d'un petit livre à tirage assez limité m'a été faite par un éditeur que je connaissais pas encore, d'écrire un texte à partir d'une photo, d'une image, d'une toile. Voilà, je suis parti de cette photo, je me suis affronté à ce sujet douloureux, difficile pour moi, mais j'y suis allé, voilà. Et puis, je me suis mis à rêver, quand j'ai fait tout ce travail, d'inspection poétique, disons, de cette photo. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une photo? Qu'est-ce qu'on peut tirer d'une image? Je me suis mis à rêver d'identifier chacun des soldats, presque, de me dire si au moins je savais à quelle unité ils appartiennent, quel régiment, je pourrais savoir peut-être quand la photo a été prise, qui on voit, pourquoi, quand, voilà. Et puis j'ai rencontré des gens d'ailleurs qui sont devenus des amis ou en tout cas des parrains, enfin comme Jean-Pierre Vernet qui a été le fondateur, le créateur du musée de la Grande Guerre à Meaux, grand collectionneur mais grand personnage, grand humaniste, grand passionné de la guerre de 14. Voilà, tous m'ont dit oui, mais on ne sait pas, mais on faudrait qu'on retrouve, enfin bon. Puis j'ai oublié, j'ai abandonné cette piste et puis je me suis mis sporadiquement à me dire le centenaire de la guerre de 14 approche, toi t'avais une avance formidable sur les autres, il faut que tu t'y mettes mon vieux, il faut que tu y ailles. Et donc j'ai commencé, puis c'était tellement dur que j'ai arrêté, que j'ai recommencé, et puis voilà. Au micro de Jean Leclerc, auteur de La moustache du soldat inconnu, paru au Seuil. C'est donc un livre, on l'entend, qui vous a goûté. On l'entend pas seulement par vos mots, mais par le timbre en particulier, qui est le timbre de votre voix. Pas seulement quand vous en parlez maintenant, mais de toute façon, et les auditeurs attentifs l'auront sans doute aussi cerné, quand vous vous adressez à des gens. Et je mets en relation ce timbre, cette couleur de voix, avec de nouveau ces lignes que je vais vous lire et qui sont de vous. Vous n'allez pas les découvrir, mais peut-être. Mon grand-père me parlait pour ainsi dire jamais des tranchées. C'était pourtant comme un secret entre nous. Une fois à Noël, il avait offert à l'enfant que j'étais le fort volume « La Grande Guerre » de Jean Galtier-Boissière, après me l'avoir dédicacé, en y inscrivant mon prénom et mon nom, comme s'il me chargeait d'une mission. C'est vrai que on ne sait pas s'il faut le remercier, papy ou pépé, de l'affaire, parce que il vous a filé la patate chaude, et après faut dérouler sa vie. Est-ce que le livre, c'est l'occasion justement de faire l'autopsie de ce que vous avez reçu comme héritage, de voir ce que ça a fabriqué en vous? Mais on ne sait pas, c'est un héritage, on ne sait pas ce qu'on a reçu comme héritage. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que, oui, j'ai reçu cet héritage et je me suis rendu compte que d'autres que moi l'avaient reçu. Ça m'a beaucoup rassuré. Je me souviens, à cause de ce livre, grâce à ce livre, « Guerre éclair », ce petit livre, d'avoir été invité dans un colloque, il y a 20 ans, quelque chose comme ça. Donc d'être reconnu pour ce texte, j'avais déjà publié, pas beaucoup, mais j'avais déjà publié deux ou trois livres, et d'être reconnu pour ce travail sur la guerre de 14, qui était ce secret honteux dont je viens de parler, je peux dire, hein, cette espèce de secret gênant, quoi. Et de me rendre compte, à ce moment-là, que d'autres que moi, c'est absurde, hein, mais c'est comme ça, que d'autres que moi, et d'autres écrivains de ma génération, s'intéressaient à la guerre de 14. Jean Rouault, le premier, qui a fait un peu exploser, même si son livre d'ailleurs parle assez peu, je l'ai lu que récemment, parce que j'étais incapable de lire tous les livres de mes contemporains sur la guerre de 14. Enfin, je parle des écrivains, parce que les historiens, je les ai beaucoup lus, mais ce que les écrivains, je veux dire, ont fait de la guerre de 14, m'était un peu illisible. Comme si j'étais victime d'une concurrence insupportable et qu'il fallait que je reste dans mon obsession à moi. Et donc j'ai au contraire beaucoup lu de mémoires, de récits, de lettres, etc., etc. Mais je me suis rendu compte en parlant cet été avec lui, avec Jean Echenoz, que Jean Echenoz, qui a écrit un livre absolument extraordinaire, je trouve 14, c'est un livre extraordinaire, d'un humour noir, d'une violence sidérante, que c'était né chez lui aussi de cette lecture obstinée, alors que son livre n'en est vraiment ensemble très loin, cette lecture obstinée d'un journal de... ou d'une correspondance de guerre de quelqu'un qui n'était pas de sa famille personnelle, mais de la famille de quelqu'un qui lui était proche, et qu'il a passé beaucoup de temps à déchiffrer, à transcrire. Et quand il en parle, il parle de cette transcription, comme si il s'était mis dans les pas de quelqu'un d'autre, comme ça, de ses soldats. Et donc je me suis tout à fait reconnu dans ce trajet dont on ne sait pas d'ailleurs du tout où il va vous mener. Alors j'ai essayé, à la faveur de ce livre, de voir les différents fils, les photos, les journaux, les choses qui avaient pu constituer cet héritage dont je ne savais pas que j'avais été le destinataire. Peut-être afin de l'écarter ou de l'inviter, simple attirance morbide. Non, je crois pas du tout. Non, je crois pas du tout, parce que l'attirance morbide, elle peut être importante à un certain âge. L'adolescence aime bien les objets morbides. Les viscères, voilà. Mais non, je me souviens, je raconte ça aussi dans le livre, dans La moustache du soldat inconnu, que dans l'immeuble où j'habitais avec mes parents, quoi, enfants, adolescents, il y avait eu au-dessus de chez nous un photographe, et puis en découvrant après sa mort sa chambre de bonne et son laboratoire, son petit studio de développement de tirage de photos, notamment des plaques stéréoscopiques, mais aussi des clichés sur papier, qu'il y avait beaucoup de photos qui nous donnaient de cette guerre une vision presque comme des dernières vacances, voilà, des assemblées de types avec voilà, étant à la pêche, lavant leur linge, chassant les rats qu'ils suspendaient par la queue à un fil pour montrer leur prise de guerre. Enfin, un autre visage de la guerre. Et donc j'ai essayé, surtout ce qui m'inquiétait, ça c'est comment ces types-là avaient pu vivre en s'enterrant vivant pendant 4 ans. C'était ça. Évidemment, ça charrie quelque chose de morbide. Enfin, évidemment, le livre essaye d'explorer ça. Ça, quoi. La guerre, c'est ça. Comment la raconter? Comment la représenter? Comment la dire? Comment la photographier? Comment la montrer? D'où mon intérêt pour la photographie, pour une photographie, parce que cette photo dont je parlais tout à l'heure, j'ai, à la faveur d'une coïncidence extraordinaire, j'ai eu à la fin de ce nouveau livre, j'ai eu la clé que je cherchais, que je ne cherchais plus depuis longtemps. Et puis j'ai découvert un petit film tourné presque clandestinement, mais en même temps de façon tout à fait avouée, par un soldat, en fait un sous-officier, qui a filmé au printemps 1915, pendant 15 minutes, des scènes du front ou de l'arrière du front. Et donc ces images que j'ai d'abord regardées comme des curiosités, parce que 15 minutes sur la guerre de 14 tournées Il n'y a pas de scène de bataille, évidemment. Toutes les scènes de bataille que l'on connaît, elles ont été reconstituées. Mais quelque chose de la vie quotidienne, de cette vie ordinaire. Comment on s'habitue à ce qui est dément, quoi, dément. Je crois que ça m'obsède beaucoup, cette démence. Comment tous ces types-là sont pas devenus fous, quoi, après. Ceux qui ont survécu. Il y en a, bon. Et beaucoup le sont devenus, voilà. Sans se l'avouer, d'ailleurs, quelquefois, hein. Je pense que ça fait des ravages sur les générations qui ont suivi. Voilà. Mais ce petit film, je l'ai pris d'abord comme un objet de plus dans ma collection. Ça allait être une petite source d'inspiration, c'était, voilà. Et puis arrive, j'étais en train de travailler dans mon petit bureau, je revois la moquette rouge, le tapis rouge, enfin, c'était l'hiver, il faisait froid, et donc il y a quelque chose, c'est comme dans les peintures de Vallotton, enfin, que j'aime beaucoup, enfin, je me vois dans ce décor, dans cette peinture-là. Voilà, cette lumière qui éclaire qu'une partie de la table, voilà. Et puis j'écoute jamais la radio, j'écoute pas la musique quand je travaille. Mais j'ai mon smartphone, comme je on dit. Je vous ferai mes commentaires hors micro, hein, d'accord, bien sûr. D'accord. Et j'ai une alerte qui est retentie. Et c'était le massacre de Charlie Hebdo. Voilà. C'était le 13 janvier, voilà. Et j'écrivais sur quelque chose comme ça qui avait à voir avec le massacre, avec la mort industrielle que la guerre de 14 a bien, je dirais pas inventé, mais enfin a bien installé, voilà. Et donc, je me revois à ce moment-là, et donc, j'ai arrêté, j'ai pas posé la plume parce que j'écrivais avec mon ordinateur, mais pendant 2 ans, j'ai arrêté complètement. Alors évidemment, j'ai arrêté aussi parce que vous l'avez rappelé, je fais un peu d'autres choses, et donc c'est difficile de faire plusieurs choses à la fois, mais il y avait quelque chose d'insupportable, je pouvais pas, quoi, continuer. Puis j'ai arrêté pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, 2 ans pile, comme ça, comme un anniversaire, je me suis dit, attends, t'es allé jusque là, il faut que tu recommences, il faut que tu repartes. Et là, je suis reparti de cette séquence de ce film tourné en 1915, et je crois que j'en ai dit beaucoup plus de choses que ce que j'aurais pu dire 2 ans plus tôt, que tout à coup je me suis rendu compte que ce que je voulais faire avec cette photographie des soldats mangeant leur casse-croûte sur des cercueils, c'est-à-dire que cette photographie, j'aurais voulu tirer de cette photographie le plus possible d'humanité, de vie, de ces êtres fossilisés par l'image, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse à partir de ce petit film, que c'était finalement mon désir, c'était mon devoir de faire vivre aussi peu que ce soit les êtres vivants filmés en 1915 par un certain Albert Jules Gall Ladevèze. Voilà, ne serait-ce que retrouver leur nom. Ça a été un nouveau départ pour l'entreprise de ce livre. La moustache du soldat inconnu, c'est paru au seuil dans la collection librairie du 21e siècle. Et pour vous donner peut-être encore plus envie de courir l'acquérir, vous découvrirez au travers de ces multitudes de pages signées Jérôme Prieur, parmi les échanges épistolaires importants qui ponctuent la guerre, l'un d'entre eux, un poilu, qui va jusqu'à vouloir poster à son destinataire, peut-être sa fiancée, peut-être sa famille, je crois que c'est sa fiancée, l'odeur de la guerre. Jérôme Prieur, on se retrouve demain. Il sera question de votre documentaire en 2 parties, à découvrir dimanche soir sur RTS2, « Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler ». Demain, vendredi, Histoire vivante est à lire dans « La liberté ». En 1933, lorsque Hitler devient chancelier du Reich, la machine de mort nazie est déjà en marche. En avril, les premiers juifs sont abattus au camp de Dachau. Un jeune juriste allemand tente alors d'empêcher l'Holocauste. Le procureur qui a osé défier Hitler, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté.